Ok. Il n'y a pas de différence entre les noirs et puis les blancs, entre les juifs et les cathos. Moi je trouve qu'on vous entend beaucoup trop. Pas de couleur de peau qui t'empêche de trouver la mort. Pas de croyance, tu peux décider que tu t'en sors. Pas de religion bête et d'égo sans faire de bise. Et tout elle s'interprète avec des hommes dans la bêtise. Pas de culture qui n'a jamais connu un bain de sang. Et t'es content que l'alcool, cette drogue soit dans son sang. Aucune des couleurs n'en rend sage, il y a des cons partout. Surtout les hauts placés, on a un paquet de gourou. Aucune de nos cervelles n'est pas un jour manipulée. Comme tu traites de facho une terre que l'on appelle volée. Aucune couleur autorise à t'approprier la terre. Pourquoi tu dois vivre dans la classe, ton frère dans la misère? Aucune nation doit sentir le droit d'en piller une autre. Et pose-toi la question, pourquoi il n'y a plus d'atomes? Il n'y a pas de différence entre ce qu'on appelle couleur de peau. Sur terre il n'y a pas de bon ou de mauvais drapeau. Il n'y a pas de différence dans ces patrons faux culs. Le sport et puis le cul, je suis serein. Il n'y a pas de différence entre Sarko et toi. Car si tu étais président, pourri seraient tes lois. Il n'y a pas de différence dans la bêtise humaine, dans le fait de haïr et dans le fait qu'au fond on s'aime. Il n'y a pas de différence entre le voile et puis la croix, entre Le Pen et puis Sarko. Moi je trouve qu'on vous entend beaucoup trop. Je ne vois pas de différence entre sioniste et puis nazi, entre le couscous et le riz monotone sont nos vies. Pas de couleur qui un jour verra naître un dictateur, un gros tueur, agitateur ou simplement un beau penseur. Je ne vois pas de différence entre un soldat, un assassin, entre ces fils de pute qui tous se prend pour des saints. Je ne vois pas de différence entre l'alcool et l'héroïne, entre l'armée, le tram, entre l'acé et la caféine. Pas une peine de mort où le juge ne mérite pas la perpète, et pas un meurtrier qui n'a pas un grain dans la tête. Pas une idée que ton voisin ne verra bidon. Pas de politicien qui ne mérite pas la prison. Pas de son de tiesse qui ne fait pas de polémique. Mais je n'ai pas la plume à chaise pour stopper la musique. Il n'y a pas de différence entre ce qu'on appelle couleur de peau. Sur terre il n'y a pas de bon ou de mauvais drapeau. Il n'y a pas de différence dans ces patrons faux culs. Le sport et puis le cul, je suis serein et puis il fut. Il n'y a pas de différence entre Sarko et toi. Car si tu étais président, pourri seraient tes lois. Il n'y a pas de différence dans la bêtise humaine, dans le fait de haïr et dans le fait qu'au fond on s'aime.